Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Et nous allons commencer l'émission avec Marie-Claude Dionne qui va nous expliquer pourquoi les archéologues ont peu étudié l'habillement d'un des peuples les plus étudiés dans le monde, les Sans, S-A-N-S. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Alors Marie-Claude, on entend souvent dire que l'habit ne fait pas le moine. Est-ce que c'est le cas en archéologie? Oui. Oui, oui et non, ça dépend toujours parce qu'on dit aussi que l'habit fait l'homme. Uh-huh. Donc certains, ils pourraient éventuellement avoir un certain paradoxe quand on s'aperçoit qu'il y a peu de chercheurs qui ont étudié l'habillement des sens que tu parlais. Okay. J'ai bien, on le prononce bien, c'est sens? J'ai aucune idée de la prononciation de ce mot-là. Je n'ai pas vérifié. C'est un peuple ancestral d'Afrique. Okay. Et il y a un archéologue d'Oslo en Norvège qui s'appelle Vibeke Wiestad qui s'est intéressé à en comprendre la cause. Hein, pourquoi on n'a jamais étudié l'habillement de ce peuple-là? Parce qu'après tout, les sens ont été largement étudiés. Ils sont même considérés en anthropologie comme le peuple étant le plus étudié dans le monde. Okay. Alors pourquoi n'avoir jamais parlé de leur habillement? Ouais. Selon la chercheuse, cette absence cela serait causé par le mythe qui est assez dominant dans la littérature du chasseur-cueilleur qui est presque nu. Et encore aujourd'hui, il est vrai qu'on a tendance à s'imaginer que les chasseurs-cueilleurs, dans un certain temps, étaient peu vêtus, donc on peut penser à un pagne là, tout au plus. Mais avant de savoir comment ils s'habillent, peux-tu nous dire, en fait, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce peuple? Qui sont les Sans? Il est possible qu'on ait pas le, qu'on connaisse pas le nom de Sans, mm-hmm. Parce que c'est un peuple qui est peut-être plus connu sous le nom de Bushmen, ou en français les Bushmen. Le terme Sans est en train de remplacer Bushmen, justement, qui veut tout simplement dire homme de la brousse. Mm-hmm. C'est un terme qui a été créé et utilisé durant la période de colonisation, puis on tend à le remplacer par quelque chose qui était peut-être un peu plus politically correct. Okay. Les Sans seraient présents dans la région du sud de l'Afrique depuis vraiment de longues dates. On parle il y a 44 000 ans. Et à titre indicatif, pour se retracer un peu dans cette époque-là, c'est le même moment où en Australie, on voit arriver les premiers hommes en bateau. Donc, il y a la colonisation de l'Australie. Et les Sans étaient traditionnellement des chasseurs-cueilleurs. Il en existe encore aujourd'hui en Afrique et ils sont désormais largement sédentarisés. À l'époque du contact de l'Occident avec l'Afrique, vers le milieu du 19e siècle, il y a certainement un clash qu'on peut s'apercevoir entre l'habillement de l'homme de l'Occident comparativement à celui des Sans, parce que les Européens sont très bien habillés. Ils ont perçu les Sans comme étant nus, tout simplement avec un pagne. C'est assez normal, mais après tout, l'ensemble trois pièces qu'on peut s'imaginer de l'homme européen va quand même, qui était d'ailleurs la norme, là, va aller un peu clasher justement avec le pagne, l'habillement plutôt simpliste de ce peuple-là. De ce peuple-là, exactement. Donc, c'est une idée ou une vision, si on veut, de nudité qui s'est d'ailleurs poursuivie à peu près jusque dans les années 50, là, facilement dans plusieurs recherches en anthropologie et des recherches en ethnologie. Et les premières recherches et même les études qui portaient sur les sens portaient sur la physionomie ou la physiologie de ce peuple-là plus que sur les éléments de leur culture. Et l'archéologue Wiestad veut justement un peu régler cette omission-là ou cette absence-là d'éléments dans la littérature scientifique. Et elle a écrit dans son ouvrage le Dress as Social Relations, qui est paru cet été, en juillet, elle va essayer de comprendre c'est quoi l'habillement pour les sens. Et même si les études ne portent pas spécifiquement sur les vêtements, il y avait quand même plusieurs données disponibles pour la chercheuse. Alors, étant donné la disponibilité de certaines données, lesquelles a-t-elle utilisé pour comprendre les coutumes vestimentaires des sens? L'idée était de comprendre les sens lorsqu'ils étaient dans un moment où ils étaient nomades, donc pas les sens aujourd'hui c'est qui sont sédentaires. Il nous faut des données qui sont plutôt anciennes. Et bien que l'archéologie, oui, peut permettre d'avoir accès à certains anciennes pratiques, même des fois des vêtements qui seraient restés parce que le matériel peut éventuellement se conserver, mais pas toujours non plus, c'est ça qui arrive. Fait qu'on a plutôt misé sur les us et coutumes qui datent de l'époque de la colonisation. Donc, Wiestad a étudié les mythes oraux et le folklore, mais pas justement ceux qui proviennent d'aujourd'hui. On est allé chercher quelque chose qui était ancré dans une mémoire beaucoup plus longue que ça dans les esprits. Donc, on a pigé dans la littérature parce qu'en fait, à l'époque de la colonisation, on écrivait tout. On notait pour être sûr d'être capable de relater aux autres personnes de l'Europe, qu'est-ce qu'il en était dans ce nouveau pays de l'Afrique qu'on découvrait. Et dans les récits de voyage ou même dans les journaux de bord, ben, il était possible de repérer plein d'annotations sur ce qui se passait lorsqu'on rencontrait les nouvelles personnes, les nouveaux peuples d'Afrique. Puis Viestad a repéré à peu près 138 cahiers qui datent de cette époque-là où il y a différents auteurs qui ont parlé. On parle d'auteurs, ça peut être de différentes professions comme hommes de loi, des professeurs, des scientifiques, on couvre tout. Et eux ont noté justement des observations quand ils ont rencontré le peuple des sens. C'est ça, ils documentaient la chose. Exactement. Alors, il s'agit donc d'une mine d'or d'informations. Mm-hmm. Que peut-on découvrir dans ces notes? Le lot d'informations est assez considérable, en effet. On en apprend d'abord beaucoup sur la vie quotidienne de ces gens-là, donc tout ce qui est relié à la chasse, aux animaux, les plantes qui sont utilisées. Et il y a aussi beaucoup d'auteurs qui vont relater les pratiques vestimentaires. Donc, ils notent justement le pagne africain. Mais on réalise qu'il y a beaucoup plus que seulement ce pagne-là. On a le carrosse, qui est un manteau qui est sans manches, qui est fait à partir de la peau d'un animal, qui est souvent le mouton. Il y a différents types de couvre-chefs, de chapeaux. Il y a des sacs, il y a des petites sacoches pour le tabac, il y a des souliers en cuir, il y a des bijoux. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trucs que les gens peuvent porter. D'ailleurs, concernant les bijoux, les Sans appréciaient beaucoup les perles qui étaient faites à partir de coquilles d'œufs, d'œufs d'autruche. Quand on est loin des petites perles qu'on recueille dans l'eau. Et l'archéologue Viestad va noter que les vêtements font partie de la culture matérielle des sens, mais aussi de la culture sociale. C'est des trucs qui veulent toujours dire quelque chose. Et il faut noter aussi que dans son ouvrage, elle utilise un sens très large du mot « habillement ». Donc, on va au-delà du vêtement. On inclut aussi les pratiques de modification corporelle, comme le tatouage et la scarification aussi. Effectivement, et tu nous en avais déjà parlé, je pense, de ce genre de pratique, que c'était une forme de représentation du statut social, en fait. Oui, et c'est exactement, encore une fois, le cas avec les Sans. Les résultats de l'étude de Viestad démontrent que les bijoux, l'habillement et les tatouages sont d'autant de manières différentes de se présenter ou de représenter une identité, de marquer aussi un statut social. Puis c'est encore le cas aujourd'hui, il ne faut pas se faire à croire, là, quand on porte des bijoux ou même un tatouage. Des fois, on laisse transparaître quelque chose. Ouais. Donc, l'habillement pouvait autant correspondre à un moment qui était important pour dans la vie de quelqu'un, qui pouvait correspondre aussi à un rituel. Ça devenait une décoration et pouvait aussi éventuellement faire partie intégrante du commerce par le troc. Parce que certaines personnes qui étaient rendues des maîtres dans la confection de sacoches, entre autres, qui étaient faites à partir d'écailles de tortue, il y a d'autres qui pouvaient maîtriser le travail de la peau d'animal. Puis il y a des gens qui allaient chercher ces items-là. On pouvait donc parcourir plusieurs kilomètres afin d'acquérir certains morceaux de vêtements ou des accessoires. Ce qui est intéressant avec les sens, c'est que certains d'entre eux ne vont pas distinguer de la même manière que nous on fait aujourd'hui les animaux des êtres humains. Okay. Bien que les vêtements distinguent normalement les humains justement des animaux, les sens, eux, croyaient que de porter un morceau de vêtement qui provenait d'un animal, c'était de porter l'identité même de l'animal. Donc, il n'y avait pas... il y avait une étroite relation entre ce peuple-là et leur environnement, ou du moins avec les animaux qui les entouraient. Ils croyaient également que si on ne démontrait pas assez de respect envers la faune, on risquait que le morceau de vêtement qu'on portait se transforme ou redevienne l'animal qu'on avait tué. Exact. Donc, Viestad nous indique que les sens ne croient pas dans un sens littéral cette idée-là, mais c'était un peu plus dans la symbolique derrière, donc une image d'un monde qui devenait un peu chaotique si on faisait pas le maintien de bonnes pratiques ou d'avoir de bonnes relations avec notre environnement. Cette imagerie est assez forte et présente une conception unique au monde, en fait. De ce peuple-là. Oui, tout à fait. Oui, du monde, effectivement. Et ce peuple était donc très près de la nature. Oh oui, tout à fait. Viestad va aussi nous présenter d'ailleurs un autre exemple de ce lien qui est fort entre animaux, humains et nature. C'est le mythe de la création de la lune et de l'élan. Et là, faut pas confondre avec notre élan. Ça se prononce pareil, mais là, on va rajouter un D à la fin. Oui. Donc, E-L-A-N-D. Et c'est d'ailleurs une des plus grandes antilopes qu'on retrouve en Afrique. Et l'histoire veut que la lune et cet animal-là, l'élan, a été créé à partir d'un soulier de cuir. Et d'ailleurs, le cuir des souliers des sens proviennent justement de l'élan. Okay. Et l'histoire raconte comment le soulier a été ultérieurement un élan et que l'élan pouvait redevenir le soulier aussi. Donc, il n'y avait pas de distinction claire qui se faisait entre ces deux éléments-là. Et ceci dit, ça relate qu'une infime petite partie des découvertes de Viestad à propos de la culture des sens et des habillements. Son ouvrage met en lumière des volets de la culture sens qui n'avaient jamais été explorés auparavant avec les autres recherches et souligne en fait toute la diversité qui est présente dans les civilisations modernes ou même du passé. Et oui. Et peut-être que cette diversité tend à diminuer, que des pans de culture s'effacent aujourd'hui avec la mondialisation. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, François.